Voyons d'autres exemples avec le subjonctif dans des phrases au passé. Comment diriez-vous, par exemple, à une personne que vous voyez « Je voulais que vous le fassiez ». En français, on a du subjonctif présent, mais en espagnol, on respecte les accords. On a donc du subjonctif imparfait. Quería que usted lo hiciera. Quería que usted lo hiciera. Littéralement, je voulais que vous le fissiez. Mais ce ton s'est perdu à l'oral en français. Je suis sûr que vous ne l'avez jamais entendu, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque l'on plonge dans le passé avec un plongeoir, il faut utiliser haya, H-A-Y-A, comme plongeoir au subjonctif. Dites par exemple, je doute que Pablo ait mangé. Dudo que Pablo haya comido. Dudo que Pablo haya comido. On fait référence ici à une action qui a eu lieu avant le moment où l'on parle. Traduisez maintenant. Je suis content que Pablo soit venu. Utilisez notre ami alegrarse. Voici la phrase de nouveau. Je suis content que Pablo soit venu. Me alegro de que Pablo haya venido. Me alegro de que Pablo haya venido. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié de que après me alegro. On dit haya venido, car le fait que Pablo vienne est antérieur au moment où l'on parle. On emploie donc soit venu en français et haya venido en espagnol. Ce n'est pas difficile, si vous réfléchissez un peu. Et ne vous découragez pas à chaque fois que vous commettez une erreur. Vous en savez déjà bien plus que vous ne le pensez. Il suffit juste de vous détendre et de ne pas avoir peur de vous tromper. Et si vous vous trompez, apprenez de cette erreur et avancez. Ne restez pas bloqué. Comme vous le savez, après un verbe exprimant un doute, on utilise le subjonctif. Et quand ce verbe est au passé, on emploie le subjonctif imparfait. Comment direz-vous donc à une personne que vous voyez? Je doutais que vous viendriez. Dudaba que viniera. Dudaba que viniera. Et comment dites-vous? Je doutais que tu viendrais. Dudaba que vinieras. Dudaba que vinieras. Moi, je n'ai jamais douté que vous parleriez si bien l'espagnol. D'ailleurs, pourquoi ne pas aller en vacances en Espagne ou en Amérique latine? Il n'y a rien de tel qu'un voyage dans un pays hispanophone pour prendre confiance et enrichir vos connaissances. C'est toujours gratifiant d'utiliser ce que l'on a appris et cela vous donnera envie d'apprendre encore davantage. Et en parlant d'enrichir ses connaissances, il est temps de commencer la troisième partie de cette méthode pour revoir certains mots et structures qui posent souvent des difficultés aux francophones et apprendre des mots et expressions de tous les jours qui vous seront très utiles. Vous êtes prêt à continuer? Bien sûr, ou por supuesto, comme on dit en espagnol.